C'est la réunion du perroir. Elle a lieu tous les jeudis soirs. Les dames sortent leur boîte inutile et veulent vendre leur tupperware. Il y a même Pascal ce soir, Cathy, Gisèle, Brigitte, Gaspard, celui qui est toujours malade. C'est la réunion du perroir. Une fois toute leur boîte vendue, elles repartent comme elles sont venues. Pas un merci, pas un au revoir. Elles ont vendu leur tupperware.